D'Abdul Maïk, oui. Depuis longtemps que je connais. Ça fait au moins. Allez, ça fait des années que je connais, hein, D'Abdul Maïk. Donc, je m'appelle José Lefebvre. J'habitais à Bergamont. Mais que depuis le temps que j'ai perdu mes parents, je suis venu habiter ici à Dunkerque. Et ça, c'est mes amis. Il y a Christophe et sa femme Mélanie. Et voilà. Ah, son ange aussi. Un très gentil son ange. Eh oui. José la Marcotte du Maïk. Et voilà. Merci. Tout est parfait. Ça, c'est mes amis. Alors, autant de gens qui sont là, moi, je suis là aussi. Il y a Blanche, il y a Bruno, il y a Mimoun. On est tous de Dunkerque maintenant. Ça, c'est bon. Oh, il y a la friterie du Maïk. Marlène et Fabrice. Et voilà.